Manger c'est pire que Bobo Taz sans la vodka. Brunette c'était sur la côte, faut que tu ralasses la vodka. Y'a que devant le réseau, ça fait des baby d'Aloca. Tout le quartier au charbon, c'est devenu pire que Bogota. J'suis posé devant le bloc à 7, ça fume des pets, j'pose ma canette. J'parle de Yankee, combien t'achètes? Oh la mise, t'es la balle, j'la gâchette. J'étais pas ouais, honnête pour péter. On pose dans la botte, Béron, mettez la plate à Zix, troué tout l'été. Le petit attend le feu vert, bougé. Allo, ouais, chaud. En ce moment, au quartier, c'est chaud. Ça fait quoi, c'est Monica? Elle fait trembler le quartier, le réseau. Ça fume des pétouettes toute la journée. Le poteau scalé, trop genou né. La bouteille sur la serviette, il nous regarde tous en train de savourer. J'parle à mon gun, ouais, j'fais des kiss. Elle me rage à Lisa, j'lui sers son 10. J'ai pas le temps, j'vois les assises. J'la mets de tes coins, elle me fait des crises. Crapulerie sur le KT, MP tout poche dans la bouteille.